L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le mois du Québec, c'est une tournée qui a débuté le 3 octobre à Lyon et qui fera étape dans 14 villes françaises durant tout le mois d'octobre, dont Nancy, lundi prochain, lundi 10 octobre. Lynn Parent-Balto, bonjour. Bonjour. Vous êtes engagée volontaire à la MEJ, donc Maison de l'engagement et de l'initiative des jeunes en territoire. Expliquez-nous en quoi consiste ce mois du Québec. Eh bien, le mois du Québec, c'est une tournée, en fait, de délégation régionale québécoise qui, durant un mois, sillonnent la France et viennent à la rencontre des personnes qui ont envie de mobilité. Alors, ça, pour le Québec, bien sûr. Donc, ça leur permet de faire gagner du temps à tous ceux qui souhaitent concrétiser leur projet, puisqu'ils ont la possibilité de rencontrer des salariés québécois, des chefs d'entreprise, des directeurs de centres de formation. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment une rencontre qui permet à toute personne, tout profil, de venir s'informer ou même de concrétiser certains dossiers, puisque c'est ouvert à tous, que l'on soit demandeur d'emploi, que l'on soit en phase de reconversion, que l'on souhaite rechercher un stage, ou des vacances, ou une migration plus conséquente avec sa famille. Vraiment, l'ensemble des dossiers seront traités. Donc, bien sûr, ils font le Tour de France. On a la chance, ils s'arrêtent à Nancy dans les grands salons de l'hôtel de ville et ils seront présents de 10h à 16h. Donc, on demande au public de venir la Stanislas, l'entrée hôtel de ville de Nancy pour accéder au salon carré avec une masterclass qui débutera dès 10h, qui dure à peu près une heure et quart, justement pour parler sans langue de bois d'un projet en direction du Québec. Et puis ensuite, on aura la possibilité de rencontrer 26 experts qui viennent de régions totalement différentes. On a le pôle Abitibi, on a Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la capitale nationale, ou encore Beauce et les Appalaches, ou le centre du Québec, ou la Gaspésie, ou Montréal. Et puis nous aurons aussi des partenaires régionaux de présent, tels que Pôle emploi international, l'Université de Lorraine, ou la région Grand Est et la Tarie, qui, à nos côtés, vont accompagner aussi les démarches des personnes, des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de partir pour le Québec. Voilà, donc que ce soit pour l'emploi, faire ses études, nouer des partenariats, des formations, voire du tourisme, ça intéresse tout le monde. Une envie de créer une entreprise ou d'en savoir un peu plus, recevoir comment ça se passe sur le territoire, si on est salarié, s'il peut y avoir de mobilité. Donc notre confrère Objectif Québec accompagne en fait les Français depuis 2018 dans leur projet de mobilité. Et donc, ils ont orchestré, je dirais, l'arrivée de nos amis québécois lundi. Et le rôle de la MEJ, alors, dans cette action ? Au niveau de la Maison d'engagement d'initiative des jeunes, nous avons un de nos piliers qui est la mobilité transfrontalière et internationale. Et nous avions envie de développer une action en direction des personnes qui ont envie de partir sur un autre continent, donc en échangeant avec Objectif Québec et nos confrères de Lorraine Québec et de la ville Relations internationales, ben voilà, on a proposé de coordonner cette action et de promouvoir cette action sur Nancy et de la mettre en œuvre dans les grands salons avec les services. Et ce sera la seule date dans le Grand Est, donc c'est oui, à Nancy. La seule date du Grand Est. Ensuite, il vous faut partir sur Rennes le 13 ou encore le 13 octobre, ou Lille le 11, ou Tours le 20, ou Saint-Nazaire le 14. Vous voyez, ça fait quand même une paire de kilomètres pour accéder à ces experts qui sont là exceptionnellement pendant 3 semaines en France. Donc des opportunités, il y en aura, ce sera ce lundi 10 octobre, à partir de 10h. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça se passe pour y participer? C'est préférable de se préinscrire. Pour ça, il faut que vous vous rendiez sur le site, c'est tout simple à retenir, www.lemoisduquebec.com, et vous vous préinscrivez. Autrement, si vous venez le jour J, je vous promets, on vous ouvrira les portes. Merci, le message est passé. Merci beaucoup, Lynn Parent-Balto. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.